qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Comme j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre est déjà un spectacle. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Quand j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre est déjà un spectacle. Qui sont les vrais, qui sont les pros d'après ce que t'entends? À chaque nouveau track, à chaque claque, à chaque nouveau saut dans le temps. Ils disent qu'ils font du rap, je réponds oui, c'est cela. Ils font de la vapeur, je suis un générateur, Nikola Tesla. Il va nous tester là, non c'est bien ce qu'on pensait depuis ODS Lab. Ici c'est la merde, je suis là pour compenser. Tu veux de la technique parce que la tienne est loin d'être terrible. Ça fait plus de 10 piges qu'on est là ma gueule, Factory. Tu veux des instruits, prends des face B. Je peux pas t'en vendre, pas efficace. T'es pas un rappeur, t'en as juste l'aspect. Les M6 baissent dans la rue et se branlent entre elles. Prends ton les fraises et trinque avec mon putain de clan Campbell. Sexe en glace à l'aise sur ma terrasse. Si quelques faces, terrasse tes 16 qu'on a largement de quoi niquer ta race. Tu remercieras ton beatmaker au fond. C'est grâce à lui et grâce à la patience de l'ingénieur du son, bouffon. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Comme j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre est déjà un spectacle. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Quand j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre. Je suis qu'un être humain, mais quand je vous regarde, j'ai la nausée. Ça fait toujours de la merde, peut-être qu'un jour ils vont se reposer. En attendant, j'aime poser, observant leur soi-disant apogée allongée. Je rêve de ne plus devoir leur causer. Ils disent supérieur, conscient, mais je dramatise. Depuis la nuit, des temps s'attisent, sans voir ce que les grammatisent. C'est le brame du cerf dans un désert sans brise. L'emprise sur rien, en continu branché sur aucune prise. Je suis qu'un être humain qui compose pour peut-être s'en sortir. Des animaux, voilà ce qu'on est, sauf que ne savent pas mentir. Festival de critiques, tellement je suis blasé, négatif au possible. Ils ont gazé, je vais les écraser, moi, horrible et passé. Tirer un trait dessus, à leur insu, depuis les premiers pas, ils partent en 7 dessus. Pardonnez-moi de faire partie de cette race, au fait, je suis pas si différent, hélas. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Comme j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre est déjà un spectacle. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Quand j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre est déjà un spectacle. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Quand j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? Rien que les regarder se battre est déjà un spectacle. Je suis qu'un être humain, j'ai un comportement bestial. Quand j'en croise un, je me dis que ça va encore être un festival. À quelle sauce je vais les manger pour ce festin? À quel regard se battre est déjà un spectacle.